Plage 2. Changez vos programmations. La compréhension du passé. C'est durant les 14 premières années de notre existence que se forment les programmations à partir desquelles notre esprit fonctionnera tout au long de notre vie. Elles naissent suite aux expériences que nous avons menées, à travers ce que nous avons ressenti, vu et entendu. C'est à partir de là et de notre compréhension d'enfant que nous en déduisons des règles concernant la vie, mais aussi à propos de notre personnalité. Ces programmations sont parfois bonnes, et elles occasionnent alors des conséquences positives, mais d'autres sont beaucoup plus handicapantes. Malheureusement, un enfant, si intelligent soit-il, ne peut pas comprendre ses situations et ses expériences avec le recul et l'acuité que peut en avoir un adulte mature et qui a éprouvé la vie. Il est facilement malléable et il a tendance à croire ce qu'il voit, ce qu'il entend, et il comprend ce qu'il peut à partir des faibles moyens qui sont les siens. C'est pourquoi nous allons maintenant remonter le temps afin que l'adulte à l'esprit développé que vous êtes aujourd'hui explique à l'enfant que vous avez été la réalité objective d'événements négatifs et marquants qu'il a vécu. Si vous avez suivi mes directives, vous venez d'effectuer la méditation de la première plage, vous êtes toujours assis, confortablement, et vos yeux sont fermés. Pour commencer, je vous demande de visualiser une scène représentant un moment difficile de vos 14 premières années. Un moment au cours duquel vous vous êtes senti rabaissé. Peut-être avez-vous reçu une mauvaise note en classe. Un camarade vous a blessé ou humilié. Vos parents vous ont disputé. Prenez le temps de laisser vagabonder votre esprit. C'est lui qui sélectionnera l'événement à traiter. Maintenant, je vous demande de revivre la scène. Faites-le de manière associée. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le témoin extérieur de cette scène, mais plutôt vous redevenez cet enfant. Regardez autour de vous. Le décor, les personnes présentes. Qui sont-elles? Que vous disent-elles? Que ressentez-vous en entendant leurs mots? Souvenez-vous de chaque mot, même s'ils ne sont pas faciles à entendre. Soyez totalement à nouveau dans cette situation. Permettez à vos sentiments de remonter et, si quelques larmes coulent, alors laissez-les faire. Comment vous sentez-vous? Triste? Abandonné? Dépourvu? Paralysé? Impuissant? Rabaissé? Observez le visage et les expressions des personnes présentes, même si elles ne sont que des témoins. Replongez dans cette scène marquante de votre enfance. Thank you. À présent, dissociez-vous. Réintégrez le corps et la conscience de l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Voyez à présent la scène de l'extérieur, comme si vous en étiez le témoin. Observez l'enfant que vous étiez face à cette personne qui lui parle. Regardez-le. Mettez-vous à sa place. Maintenant, allez au-devant de cet enfant que vous étiez. Agenouillez-vous devant lui pour vous placer à sa hauteur. Ne vous préoccupez pas des autres personnes présentes. Faites-le. Expliquez la réalité de la situation à votre enfant intérieur, avec la sagesse, la maturité et la raison de l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Quel que soit l'événement que votre jeune alter ego est en train de vivre, expliquez-lui la réalité sans équivoque, afin qu'il la comprenne avec son esprit d'enfant. Par exemple, si un professeur vient de lui dire qu'il est nul, expliquez-lui que ce n'est pas vrai. Mais plutôt qu'il n'a pas réussi à un examen, que cela peut arriver à n'importe qui et qu'il réussira une prochaine fois. Ou bien qu'il a le droit de ne pas comprendre une leçon et qu'il la comprendra plus tard. Peu importe ce qu'il s'est produit, faites-lui comprendre que cette situation n'a rien de définitif quant à sa vie et à ses capacités. Que ce n'est pas parce qu'il a échoué aujourd'hui ou bien qu'il s'est fait réprimander que cela fait de lui une mauvaise personne. Expliquez-lui les choses telles qu'elles se sont déroulées et non pas telles qu'il les a comprises avec son esprit d'enfant. Utilisez toujours des termes positifs, encourageants, porteurs, sans négation. Ne lui dites pas « tu n'es pas idiot », mais plutôt « tu es intelligent ». Prenez le temps de lui faire des compliments et d'énumérer ses qualités, telles que « tu es intelligent », « tu as tous les talents pour réussir », tu es fort, tu es aimé, tu es adroit. Thank you. voyez et ressentez votre enfant intérieur comprendre ce que vous lui expliquez. Progressivement, il sourit. Ses épaules se redressent. Il relève la tête et son regard se fait plus vif. Il gagne confiance. Voyez-le changer, être heureux et soulagé de saisir enfin ce qui lui est arrivé. Voyez-le et ressentez-le prendre de l'assurance. Prenez-le dans vos bras, serrez-le et embrassez-le chaleureusement en lui disant que vous l'aimez et que vous l'aimerez toujours et qu'ensemble, vous allez faire de grandes choses. Pour terminer cet exercice, vous devez maintenant créer un ancrage, c'est-à-dire un geste, un signe qui vous permettra de retrouver cet état d'assurance, de confiance et de fierté que votre enfant éprouve en ce moment, même dans votre vie actuelle d'adulte, quand vous le souhaiterez. Pour cela, ressentez le bien-être qui s'est installé dans votre enfant intérieur après que vous lui ayez expliqué la situation avec votre esprit d'adulte. Éprouvez cette libération, cette force retrouvée, ainsi que l'espace laissé par les programmations négatives que vous venez d'effacer. Votre jeune alter ego sait qu'il est maintenant capable de tout accomplir, puisqu'il est débarrassé du poids de cet épisode de son enfance. Percevez ce bien-être et cette puissance gigantesque désormais installée en lui et en vous. Lâchez-vous, soyez très intense dans votre ressenti. Ne faites pas les choses à moitié. Vous allez maintenant faire un geste particulier ou bien toucher une partie de votre corps. Par exemple, saisir votre poignet droit avec votre pouce et votre index gauche ou bien poser l'un de vos doigts sur l'une de vos cuisses en la pressant légèrement. Peu importe ce que vous décidez, c'est votre ancrage. Restez ainsi et continuez à ressentir intensément ce nouvel état d'esprit positif ainsi que le geste ou la pression que vous exercez. Associez ce geste et cette pression à cet état de bien-être et d'assurance. Maintenez votre ancrage encore quelques secondes. Maintenant, relâchez votre ancrage. Levez-vous réellement, physiquement. Allez-y, quittez votre fauteuil. Faites quelques pas, secouez vos bras et vos jambes. Voilà, comme ça. À présent, rasseyez-vous, car nous allons tester votre ancrage. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche, puis refaites le geste de votre ancrage. Normalement, vous devez retrouver le même état que celui dans lequel vous étiez au moment où vous l'avez créé, à savoir rempli de force, d'énergie, d'assurance en vos capacités, comme si vous n'aviez jamais vécu ce moment difficile durant votre enfance. Utilisez-le dès que vous en avez besoin. surtout si une situation nécessite votre vigueur, votre confiance en soi, vos talents et tout le pouvoir qui sommeillait en vous et que vous venez de libérer. N'hésitez pas à refaire cet exercice pour toutes les situations de votre enfance causant aujourd'hui des sentiments négatifs qui vous privent de confiance en vous et qui vous font croire que vous ne méritez pas de vivre une carrière professionnelle épanouissante. À présent, vous avez la possibilité d'arrêter votre séance d'exercice maintenant. Si c'est le cas, eh bien, levez-vous de votre fauteuil, faites quelques pas et secouez à nouveau vos bras et vos jambes. Prenez tout le temps nécessaire. Et si vous décidez de poursuivre votre travail, alors fermez les yeux, respirez profondément et sélectionnez la plage d'exercice que vous souhaitez effectuer.